il leur dit de gloire. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à jamais. Si je jamais, sois loué à perpétuité, sois loué Jésus de Nazareth, sois loué les triomphateurs, sois loué les narcisses de Saron, sois loué car tu ne changes jamais, sois loué le roi des rois.